Deutéronome chapitre 28. Or il arrivera que si tu obéis exactement à la voix de l'Éternel ton Dieu, et que tu prennes garde de faire tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te rendra haut et élevé par-dessus toutes les nations de la terre d'eux, et toutes ces bénédictions ici viendront sur toi, et t'atteindront, quand tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras aussi béni au champ. Le fruit de ton ventre sera béni, et le fruit de ta terre, et le fruit de ton bétail, les portées de tes vaches, et les brebis de ton troupeau. Ta corbeille sera bénie, et ta mets aussi. Tu seras béni en ton entrée, et tu seras aussi béni en ta sortie. L'Éternel fera que tes ennemis qui s'élèveront contre toi, seront battus devant toi, ils sortiront contre toi par un chemin, et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel commandera à la bénédiction qu'elle soit avec toi, dans tes greniers, et dans tout ce à quoi tu mettras ta main, et il te bénira au pays, que l'Éternel ton Dieu te donne. L'Éternel ton Dieu t'établira pour lui être un peuple saint, selon qu'il te l'a juré, quand tu garderas les commandements de l'Éternel ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Et tous les peuples de la terre verront que le nom de l'Éternel est réclamé sur toi, et ils auront peur de toi. Et l'Éternel ton Dieu te fera abonder en bien, multipliant le fruit de ton ventre, et le fruit de tes bêtes, et le fruit de ta terre, sur la terre que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, savoir les cieux, pour donner la pluie, telle qu'il faut à ta terre en sa saison, et pour bénir tout le travail de tes mains, et tu prêteras à beaucoup de nations, et tu n'emprunteras point. L'Éternel te mettra à la tête, et non à la queue, et tu seras seulement au-dessus, et non point au-dessous, quand tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, afin que tu prennes garde de les faire, et que tu ne te détournes ni à droite ni à gauche d'aucune des paroles que je te commande aujourd'hui, pour marcher après d'autres dieux, et pour les servir. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, pour prendre garde de faire tous ces commandements et ces statuts que je te prescris aujourd'hui, il arrivera que toutes ces malédictions s'y viendront sur toi, et t'atteindront. Tu seras maudit dans la ville, et tu seras aussi maudit au champ. Ta corbeille sera maudite, et ta mets aussi. Le fruit de ton ventre sera maudit, et le fruit de ta terre, les portées de tes vaches, et les brebis de ton troupeau. Tu seras maudit en ton entrée, tu seras aussi maudit en ta sortie. L'Éternel enverra sur toi la malédiction, l'effroi, et la dissipation dans tout ce à quoi tu mettras la main et que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, et que tu périsses promptement, à cause de la méchanceté des actions par lesquelles tu m'auras abandonné. L'Éternel fera que la mortalité s'attachera à toi, jusqu'à ce qu'il t'aura consumé de dessus la terre en laquelle tu vas pour la posséder. L'Éternel te frappera de langueur, d'ardeur, de fièvre, de chaleur brûlante, d'épée, de sécheresse et de niel, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Et tes cieux, qui seront sur ta tête, seront d'airain, et la terre qui sera sous toi, sera de fer. L'Éternel te donnera au lieu de la pluie telle qu'il faut à ta terre, une poussière menue, et une poudre qui descendra sur toi des cieux, jusqu'à ce que tu sois exterminé. Et l'Éternel fera que tu seras battu devant tes ennemis. Tu sortiras par un chemin contre eux, et tu t'enfuiras devant eux par sept chemins, et tu seras vagabond par tous les royaumes de la terre. Et tes cormors seront en viande à tous les oiseaux des cieux, et aux bêtes de la terre, et il n'y aura personne qui les effarouche. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gales, et de gratelles, dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de frénésie, et d'aveuglement, et de stupidité. Tu iras tâtonnant en plein midi, comme un aveugle tâtonne dans les ténèbres, tu n'amèneras point tes entreprises à un heureux succès, tu ne feras autre chose que souffrir des injustices et le pillage, et il n'y aura personne qui te garantisse. Tu fianceras une femme, mais un autre couchera avec elle, tu bâtiras des maisons, mais tu n'y demeureras point, tu planteras des vignes, mais tu n'en cueilleras point le fruit pour toi. ton bœuf sera tué devant tes yeux, mais tu n'en mangeras point, ton âne sera ravi de devant toi, et ne te sera point rendu, tes brebis seront livrées à tes ennemis, et tu n'auras personne qui les en retire. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple, et tes yeux le verront, et se consumeront tout le jour en regardant vers eux, et tu n'auras aucun pouvoir en ta main. Et le peuple que tu n'auras point connu, mangera le fruit de ta terre, et tout ton travail, et tu ne feras autre chose que souffrir des injustices, et des concussions tous les jours. Et tu seras hors du sens à cause des choses que tu verras de tes yeux. L'Éternel te frappera d'un ulcère malin sur les genoux, et sur les cuisses, dont tu ne pourras être guéri, il t'en frappera depuis la plante de ton pied jusqu'au sommet de ta tête. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères, et tu serviras là d'autres dieux, le bois, et la pierre. Et tu seras là un sujet d'étonnement, de raillerie, et d'invective parmi tous les peuples vers lesquels l'Éternel t'aura emmené. Tu jetteras beaucoup de semences dans ton champ, et tu en recueilleras peu, car les sauterelles la consumeront. Tu planteras des vignes, tu les cultiveras, mais tu n'en boiras point le vin, et tu n'en recueilleras rien, car les vers en mangeront le fruit. Tu auras des oliviers en tous tes quartiers, mais tu ne t'oindras point d'huile, car tes oliviers perdront leurs fruits. Tu engendreras des fils et des filles, mais ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Les hannetons gâteront tous tes arbres, et le fruit de ta terre. L'étranger qui est au milieu de toi, montera au-dessus de toi bien haut, et tu descendras bien bas. Il te prêtera, et tu ne lui prêteras point, il sera à la tête, et tu seras à la queue. Et toutes ces malédictions viendront sur toi, et te poursuivront, et t'atteindront, jusqu'à ce que tu sois exterminé, parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu, pour garder ses commandements et ses statuts qu'il t'a prescrits. Et ces choses seront en toi et en ta postérité, pour signer pour prodige à jamais. Et parce que tu n'auras pas servi l'Éternel ton Dieu avec joie, et de bon cœur, malgré l'abondance de toutes choses, tu serviras, dans la faim, dans la soif, dans la nudité, et dans la disette de toutes choses, ton ennemi, que l'Éternel enverra contre toi, et il mettra un joug de fer sur ton cou, jusqu'à ce qu'il t'ait exterminé. L'Éternel fera lever contre toi de loin, du bout de la terre, une nation qui volera comme vole l'aigle, une nation dont tu n'entendras pas la langue. Une nation impudente, qui n'aura point d'égard à la personne du vieillard, et qui n'aura point pitié de l'enfant. Elle mangera le fruit de tes bêtes, et les fruits de ta terre, jusqu'à ce que tu sois exterminé. Elle ne te laissera rien de reste, soit froment, soit vin, soit huile, ou portée de tes vaches, ou brebis de ton troupeau, jusqu'à ce qu'elle t'ait ruiné. Et elle t'assiégera dans toutes tes villes, jusqu'à ce que tes murailles les plus hautes et les plus fortes, sur lesquelles tu te seras assuré en tout ton pays, tombent par terre. Elle assiégera, dis-je, toutes tes villes dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. Tu mangeras le fruit de ton ventre, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel ton Dieu t'aura donné, dans le siège et dans la détresse dont ton ennemi te serrera. L'homme le plus tendre et le plus délicat d'entre vous regardera d'un œil malin, son frère et sa femme bien-aimée, et le reste de ses enfants qu'il aura réservés, pour ne donner à aucun d'eux de la chair de ses enfants, laquelle il mangera, parce qu'il ne lui sera rien demeuré du tout, à cause du siège et de la détresse, dont ton ennemi te serrera dans toutes tes villes. La femme la plus tendre et la plus délicate d'entre vous, qui n'eut point osé mettre la plante de son pied sur la terre, par délicatesse et par mollesse, regardera d'un œil malin son mari bien-aimé, son fils, et sa fille, et la tête de son petit enfant, qui sortira d'entre ses pieds, et les enfants qu'elle enfantera, car elle les mangera secrètement dans la disette de toutes choses, à cause du siège et de la détresse, dont ton ennemi te serrera dans toutes les villes. Si tu ne prends garde de faire toutes les paroles de cette loi, qui sont écrites dans ce livre, en craignant le nom glorieux et terrible de l'Éternel ton Dieu, alors l'Éternel rendra tes plaies et les plaies de ta postérité des plaies étranges, des plaies grandes et de durée, des maladies malignes et longues. Et il fera retourner sur toi toutes les langueurs d'Égypte, desquelles tu as eu peur, et elles s'attacheront à toi. Même l'Éternel fera venir sur toi toute autre maladie, et toute autre plaie, qui n'est point écrite au livre de cette loi, jusqu'à ce que tu sois exterminé. Et vous resterez en petit nombre, après avoir été comme les étoiles des cieux, tant vous étiez en grand nombre, parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Et il arrivera que comme l'Éternel s'est réjoui sur vous, en vous faisant du bien, et en vous multipliant, de même l'Éternel se réjouira sur vous en vous faisant périr, et en vous exterminant, et vous serez arrachés de dessus la terre dans laquelle vous allez pour la posséder. Et l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, depuis un bout de la terre jusqu'à l'autre, et tu serviras là d'autres dieux, que ni toi ni tes pères n'avaient point connus, le bois et la pierre. Encore n'auras-tu aucun repos parmi ces nations-là, même la plante de ton pied n'aura aucun repos, car l'Éternel te donnera là un cœur tremblant, et défaillance d'yeux, et détresse d'âme. Et ta vie sera pendant devant toi, et tu seras dans l'effroi nuit et jour, et ne seras point assuré de ta vie. Tu diras le matin, qui me fera voir le soir, et le soir tu diras, qui me fera voir le matin, à cause de l'effroi dont ton cœur sera effrayé, et à cause des choses que tu verras de tes yeux. Et l'Éternel te fera retourner en Égypte sur des navires, pour faire le chemin duquel je t'ai dit, il ne t'arrivera plus de le voir, et vous vous vendrez là à vos ennemis pour être esclaves et servantes, et il n'y aura personne qui vous achève.